Pourquoi faut-il s'imposer sur ces terres au lieu préfabriquées? Pourquoi faut-il avoir du courage quand les gens n'hésitent pas à effacer et tourner la page? Qu'y a-t-il d'autre dans cette vie-là? Je ne prends pas de drogue, pourtant les gens me pourrissent la vie. Je supporte très mal leur contact, ces putains d'enculés. Je prends plus de drogue, pourtant il m'en faudrait. C'est l'envie. Je vois leur dire, leur acte, aussi prétentieux que sans efficacité. C'est la mort. Il y a plusieurs parties aussi tristes à la fin, les unes que les autres, car passées, mais ne reviendront jamais. Il y a la naissance où on se donnait des rêves comme des objectifs, mais de loin on voyait bien que c'était une utopie. Puis il y a la vie. Puis il y a la vie. Le début de transformation de notre matière. On la voit s'étendre, prendre son envol. Prendre sa plus grande taille et devenir de toute beauté. Puis rechanger dans une forme que l'on n'aime pas. Vieillir, se rider, se déformer, comme un fruit dont l'eau commence à s'en aller. Tout est conservateur, on a beau faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, pour rajeunir, le processus est engagé, personne n'y échappe, et ceux qui repoussent se voient à la fois accusés de tout. Et bien l'heure où les cellules s'arrêtent de fonctionner, du moins toutes ensemble, asservies par une tête, d'ailleurs qui sait, quel grain de matière qui fait tenir l'ensemble, hein? Toute notre peau s'évapore et ce qui reste peut redevenir poussière, une bonne partie comme animaux que nous sommes. Se faire manger par d'autres ensembles de matières plus ou moins grandes pour former ou favoriser d'autres ensembles. Et pour ceux qui aiment cet ensemble, cet être, le problème c'est l'essence qui nous manque. Tous ensemble, il y en a deux qu'on peut réavoir plus facilement, mais les autres, perdus, perdus. En premier, le voir, surtout être heureux, puis le toucher, le contact, sentir ses formes, sa douceur, sa chaleur, de plus, son odeur, de laver ou en sueur, ou même ayant pris l'odeur d'autre chose, d'autres lieux, même de produits. Bien sûr, l'écouter, lui répondre, échanger, mais le goût sur le bord des lèvres, seuls ceux qui l'ont perdu savent que tout ça est important. Passer du temps, rien de plus important, quand bien après, le seul pouvoir que l'on a pour retrouver tout l'ensemble, c'est les rêves. Travailler dans ses rêves pour avoir un instant, l'impression de revivre, d'être heureux, Quand tout ça finit, quand tout seul se retrouver là avec soi-même, à se partager. Les larmes viennent et personne ne t'en parle et c'est ça qui fait mal car ils pensent que tu souffres mais ça fait pourtant du bien d'y penser. On ressent cet être un instant, Ah, on se demande pourquoi continuer. De quoi sert le reste? Le reste du temps et tout ce que l'on fait, hein? On se punit, on s'arrête. Plus rien n'est bon, plus rien n'a d'importance, et là on se dit, il n'y a plus rien après, et on se voit là, on était la joie, elle ne vient plus, aussi fade, à la longue, ça revient un peu, et si longtemps après, on se sent un peu mieux. On a retrouvé un sens à sa vie. Si on reprend un peu d'espoir, que l'on relève enfin la tête, c'est là qu'il y a encore ça qui est arrivé. Il ne faudrait pas aimer, mais c'est dur de tout rejeter, de ne pas avoir de sentiments. La solitude n'est pas la meilleure solution. Pourquoi tu s'imposer?